Bonjour. La dernière vidéo avec l'entretien avec David Lévesque, il y a une affaire qui ressort, c'est l'affaire de karma. Le karma. Puis bon, je me souviens pas trop tous les commentaires. Je sais que Mona Hébert en a parlé. Puis bon, moi je résume ça à une loi de conséquence. Une loi de conséquence au niveau de l'âme, c'est-à-dire par rapport est-ce qu'il y a une intégration ou non par la conscience des actes? Est-ce que les actes, bon, c'est tout, là. Mais bon, l'affaire, moi j'ai de la misère avec ça, les histoires de karma. Pourquoi? Bon, je considère qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de se casser la tête avec des affaires de même. Bon, le karma, si on regarde, bon, dans les affaires que j'ai étudiées, bon, ben, prenez dans le sikhisme. Dans le sikhisme, les notions de karma viennent de l'hindouisme. Là, ça a rapport avec les actes, l'accumulation des actes au niveau de la mémoire, c'est-à-dire l'âme. Bon, c'est pas. Là, l'affaire, c'est parce que les affaires de karma, ça a été amené par les théosophes, puis les anthroposophes en Occident. Puis, vous savez, là, dans le christianisme, on a la notion de rédemption puis d'absolution. C'est-à-dire, si vous regrettez sincèrement vos fautes, vous êtes lavé. Là, c'est automatique, là. Demain, si vous regrettez sincèrement vos fautes, puis si vous êtes conscient d'avoir mal agi, est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin de des notions qui viennent de l'hindouisme? Est-ce qu'on a besoin de des notions qui viennent du bouddhisme? Puis de tomber dans des affaires de même? J'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt. Notre culture, déjà, il y avait des choses par rapport à ça, puis. Non, là, à un moment donné, là, l'affaire, c'est, bon, prenez, regardez, si on regarde en Chine, à un moment donné, bon, le bouddhisme arrive en Chine, c'est exogène, ça vient de l'extérieur, puis les taoïstes sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que ça encombre l'esprit pour rien, puis que les gens se cassent la tête pour rien avec des notions qui viennent mettre le trouble dans l'esprit, dans le fond. Puis à un moment donné, il y a même un empereur qui a fait un décret qui interdisait aux taoïstes de dire que les bouddhistes sont stupides. Hein? Bon, c'était pour éviter de la chicane. Puis finalement, bon, aujourd'hui, c'est des choses que, bon, il s'est vu comme pas incompatible. Mais il reste que, dès le départ, le bouddhisme était en compétition avec le taoïsme, entre autres avec des notions comme ça. Parce que si on considère la programmation, puis l'inconscience humaine, est-ce que, bon, l'affaire accumulée, tu sais, l'addition des actes dans une vie, puis là, les actes des vies passées viendraient jouer, bon. Ça donne quoi de se casser la tête avec des affaires de même? Ça donne quoi? Bon, dans le taoïsme, il n'y a pas de notion de karma, même s'ils sont honnêtes, un taoïste. Qui est pas versé dans d'autres, des fois, sont un petit peu, ils sont colorés un petit peu par du confucianisme, des fois par du bouddhisme. Mais s'il est honnête, il va vous dire, oh, ça, on s'en occupe pas, c'est des niaiseries de bouddhistes. Dans le sens que, bon, puis, de toute façon, le karma dans le bouddhisme, c'est pas la même chose que dans l'hindouisme, puis bon. Mais là, ce qui arrive, c'est que, comme je disais tantôt, c'est les anthroposophes, puis voyons, comme la Blavatsky, là, les théosophes, qui ont amené ça dans la culture occidentale, comme si dans notre culture, on n'avait pas de notion de rien de ces affaires-là. Au niveau, par exemple, si on regarde dans le judaïsme, c'est quoi une faute? C'est quoi la notion de péché? C'est quoi la notion d'absolution? C'est quoi la. Bon, on avait déjà tout ça. On avait déjà tout ça. Le karma, qu'est-ce que vous voulez que, dans le fond, à part se casser la tête puis s'encombrer l'esprit avec des notions qui viennent pas de nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Dans le sens que si vous regrettez vos fautes sincèrement, puis si vous en êtes conscient, si vous en prenez conscience, l'âme est allégée. Pourquoi est-ce que ça resterait enregistré dans l'âme pour l'alourdir, puis on serait coupable pour l'éternité, puis pris pour. Bon. Ben. Vous me connaissez, les histoires de réincarnation puis de karma, là. À un moment donné, est-ce qu'on est des Occidentaux? Est-ce qu'on est des Occidentaux? Il y en a qui vont chialer, ouais, mais tu amènes souvent des notions liées au taoïsme. Ouais, mais le taoïsme, pas pareil. C'est pas pareil. Le taoïsme, pas une religion. C'est devenu une religion. Mais ça n'en était pas une vraiment tant que ça au départ. Tu Puis bon, j'ai pas envie de m'encombrer de notions comme ça. Le karma, c'est juste une loi de conséquence, puis on peut le réduire à des notions de conséquence. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que. Je veux dire, au niveau de la vie de l'âme, ça regarde pas l'ego. Je veux dire, même s'il y aurait des vies antérieures, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec? Oh, ça peut aider à comprendre des choses. Non, de maintenant, ça, c'est juste de la rationalisation. On est presque dans de la rationalisation, puis j'irais même jusqu'à dire de la superstition là, à ce niveau-là. Puis, comme diraient des taoïstes, par rapport à certaines notions, ça fait rien qu'encombrer l'esprit. Ça fait rien qu'encombrer l'esprit. Puis bon, on avait déjà ça dans notre culture, je veux dire, l'idée de faute. Puis le regret sincère, puis l'absolution, la salvation. Puis, je veux dire, dans notre culture occidentale, si vous regrettez sincèrement vos fautes, votre âme est lavée. Tabarnak! C'est pas un bon deal, ça! C'est pas un bon deal! Faut à tout prix aller dans le marché aux puces de l'hindouisme, faut aller dans le marché aux puces du bouddhisme, puis de toutes ces affaires-là. Hein? Il a même rendu. Il y a même des kabbalistes, dits des kabbalistes modernes, qui parlent de karma. Voyons, ça n'a même pas rapport. Qu'est-ce que ça vient faire, là? Dans le judaïsme, il n'y a pas ces notions-là. Dans le judaïsme, il y a la notion des fautes, comme la faute du père retombe sur le fils. Bon, ça, on pourrait dire que c'est des karmas de groupe. Mais on pourrait parler de programmation, puis de mémoire collective. Puis est-ce qu'on est obligé d'employer des termes comme le karma? Ben, personnellement, moi, je trouve pas ça intéressant. Je trouve pas ça intéressant. Je trouve que ça encombre l'esprit. Ça encombre l'esprit. C'est lié entre autres. Bon, c'est quoi le remords sincère? Est-ce que ça lave ça ou ça appesantit? Quelqu'un qui sait qui est. Quelqu'un qui se pardonne sincèrement puis qui regrette sincèrement, il est supposé s'alléger. On avait déjà tout ça dans notre culture, on avait déjà toutes ces affaires-là, sans tomber dans des affaires qui nous ont été amenées par les théosophes, puis les anthroposophes, puis bon, j'en vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, bon, le karma, moi, bon. Le karma, on peut le réduire à une loi de conséquence du genre. Ben, si tu craches d'en face à tout le monde, ils t'aimeront pas. C'est tout aussi simple que ça. Puis, bon, là, ça dépend. Est-ce que vous êtes capable de c'est une faute au sens où savoir une loi de conséquence? Je veux dire, il y en a qui s'assument. Et là, la différence, est-ce qu'on assume ses actes ou pas? Est-ce qu'on est honnête envers soi-même par rapport à ses actes ou pas? Bon. Ça, c'est de la conscience, c'est plus de la morale, puis de la. Parce que là, le karma s'est rendu un petit peu comme. C'est en train de devenir. Il y en a qui pensent que, bon, ben, avant de venir au monde, on fait des choix d'épreuve pour mettre l'âme à l'épreuve. Comme si l'âme fait le choix de bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah. Mais une fois rendu dans la matière, là, voulez-vous bien me dire en quoi c'est de nos affaires? Je veux dire. Quand vient le temps de passer, quand vient le temps de faire la pratique, puis tout, ben là, la théorie change plus grand-chose. Donc, bon, moi, je trouve ça encombrant. Je trouve ça des notions encombrantes, puis je trouve pas ça intéressant. Puis c'est de la spiritualité. Mais pas de la spiritualité au sens. C'est de la spiritualité au sens de moi. Bon, c'est comme. C'est encombrant, c'est encombrant. C'est des bébelles philosophiques, au fond, spirituello-philosophiques. C'est des notions philosophiques, dans le fond. Bon, je veux dire, quoi, il n'est pas correct, notre culture? Pourquoi j'aime les taoïstes? Parce qu'ils se cassent pas la tête, eux autres. Hein? Ben, on n'a pas le droit de dire que les bouddhistes sont stupides. Ce serait pas gentil. Bonne journée.